Join me on R.I.G. Oh, le narcissique, c'est un peu toujours de l'exo. R.I.G. 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis Thierry Gallet, je vous emmène jusqu'à 22h dans cette saga des Fab Four qui existe depuis 1984. La saga des Fab Four de ce soir, c'est la numéro 393 et c'est une spéciale pour deux raisons. D'abord parce qu'elle a été préparée par un auditeur, il s'appelle Jean-Philippe. Alors, j'avais préparé sur ma fiche Jean-Philippe Harrison. Et anciennement Jean-Philippe Fabfort, et puis maintenant il s'appelle Frankie Crisp. Bon, bref, on va l'appeler JP, ce sera plus facile. Néanmoins, c'est un grand fan d'Harrison, et des Beatles aussi, hein, mais d'Harrison. Et il a voulu lui rendre hommage puisque George Harrison est parti le 29 novembre 2001. Nous sommes le 21 novembre, d'accord, on aurait pu attendre la semaine prochaine. Seulement la semaine prochaine, c'est le concert de Paul McCartney. Et moi, je vous réserve un spécial McCartney de mon cru à moi. Et je crois qu'il est pas mal, et ça durera 2h30. Donc... on parlera de ça la semaine prochaine. Cette semaine, du Harrison tout le temps, 100%, que ce soit avec les Beatles ou sans les Beatles, avec les Traveling Wilburys aussi. Ce sera très, très, très bien. Et un invité. Ouf, allez, je peux vous le dire. C'est son fils, Danny Harrison. On écoutera un petit peu plus tard, vers la fin de l'émission. Je vous donne les 5 premiers titres, comme j'ai l'habitude de faire. Allez, c'est bien parce que c'est vous. Nous allons commencer par Don't Let Me Wait Too Long sur l'album Living in the Material World de 1973. Il y aura deux Beatles à la suite, Something sur Abbey Road et oui, j'adore cette chanson, même si on l'a passée la semaine dernière, c'est pas grave, While My Guitar Gently Weeps, mais dans sa version normale, pas la version différente que je vous avais passée la semaine dernière. Il y aura Simply Shady de Dark Horse et le cinquième, on revient à Living in the Material World de 73, The Light That Has Lighted the World. Pour le reste, eh bien, vous verrez bien. Je vous propose de nous retrouver sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Et puis, eh bien, bienvenue à ceux qui nous écoutent actuellement sur 90.7, qui est la FM. Et bienvenue à tous ceux plus nombreux, je pense, qui écoutent encore sur www.rigfm.fr. La saga des Fab Four, ça commence dans une poignée de secondes, 10 secondes pour être exact, avec ce superbe titre, Don't Let Me Wait Too Long. Ne me faites pas attendre, s'il vous plaît. Bonne soirée, c'est George Harrison en spécial ce soir. Something, Abbey Road, 1969. Ça a été la première composition de George Harrison à sortir en face A d'un 45 tours des Beatles. Ses deux sources d'inspiration furent son épouse, Patty, et un morceau de James Taylor sorti en 1968, Something in the Way She Moves. James Taylor dit qu'il a toujours supposé que George avait entendu cette chanson puisqu'ils enregistraient l'album blanc au moment où James Taylor a enregistré sa chanson à lui. Mais nous n'en avons jamais parlé, explique Taylor. J'avais composé Something in the Way She Moves 2 ans avant de l'enregistrer et bizarrement, je voulais d'abord l'appeler I Feel Fine. Mais ce titre était bien sûr déjà pris par une chanson des Beatles. J'ai souvent remarqué des traces de chansons d'autres artistes dans mes compositions, poursuit Taylor. Si George a consciemment ou inconsciemment emprunté un vers de l'une de mes chansons, alors je considérerais cela comme un compliment. Ce n'est pas quelque chose de rare en musique. J'avais fait passer une maquette de Something in the Way She Moves et de 7 autres chansons au bureau d'Apple 2 ou 3 mois avant de rencontrer Peter Asher. Je sais que Paul l'a écouté là-bas, mais je ne sais pas qui d'autre a pu l'entendre. George a dû composer Something en octobre, car il a plus tard déclaré qu'il avait travaillé sur le piano de Studio 1 alors que Paul réalisait des surimpressions dans le Studio 2. La seule raison pour laquelle Something ne fut pas incluse dans l'album blanc était que la sélection finale des titres avait déjà été faite. Oui, un double album, on n'allait pas en faire un triple album. George proposa Something à Joe Cocker et à Jackie Lomax, puis en mai 69 décida de l'enregistrer avec les Beatles pour Abbey Road. Something fut un immense succès et devint la 2e chanson des Beatles la plus reprise après Yesterday. Elle fut notamment chantée par Ray Charles, Frank Sinatra et Smokey Robinson, entre autres. Let's go back, s'il vous plaît. Let's go back, back, back, back, back. Yeah, yeah, yeah, yeah. On recule juste d'un an. While My Guitar Gently Weeps, je l'écoute au casque, je ne dis plus rien, j'adore cette chanson. Vous êtes bien sur RIG 90.7, c'est la radio des Beatles.

George Harrison en 1974. Voici ce qu'il écrit sur le bouquin I Me Mine qu'il a sorti en 1980. Simply Shady, c'est à propos de ce qui se passe pour les méchants garçons dans le business de la musique. Je suppose que j'ai eu cette idée à ce moment-là, à la maison, et puis je me suis échappé en Inde après ça, et j'ai écrit ce morceau à Bombay. C'était plutôt marrant d'écrire cette chanson-là à Bombay, spécialement après celle à propos du karma. Voilà, il faut être George Harrison pour comprendre de quoi il parle, mais Et bon, c'est quand même assez sympa et c'est tout ce qu'il dit. Je vous le traduis de l'anglais, je peux vous le répéter en anglais si ça vous chante, mais voilà, c'est ce qu'on pouvait dire sur cette chanson qui est une bonne chanson de l'album de 74, qui est, à mon sens, l'album le plus faible de George Harrison en solo. Tout n'est pas bon, mais comme dans chaque album des ex-Beatles, il y a de très très bons morceaux, dont celui-là, Simply Shady. J'aime beaucoup. On revient un an auparavant sur l'album Living in a Material World avec la lumière qui a illuminé le monde. The light that has lighted the world sur RIG. Est un album relativement faible, mais il y a de bonnes chansons dedans, comme celle-ci. Far East Man, c'est une bonne chanson de 1974. Si je vous disais, je veux un amour, oui, mais un amour vrai, mais vrai, c'est la moitié de ce qui est faux. Si je le mets en chanson, I wanna love that's right, but right is only half of what's wrong. Hein? C'est mieux avec de la basse, c'est mieux avec les Beatles, c'est Old Brown Shoe sur RIG. Montez le son et écoutez la basse, elle est merveilleuse cette basse. Passons de 1969 à 1988. George Harrison demande à Bob Dylan d'utiliser son studio à Malibu pour enregistrer une chanson Handle With Care qui doit apparaître en face B de This Is Love tirée de son album solo Cloud Nine. Il emmène Roy Orbison et Jeff Lynne avec qui il déjeunait ce jour-là. Dylan et Tom Petty, présents eux aussi, se joignent à la séance qui tourne à la fête. Ainsi voient le jour les Traveling Wilburys. À l'origine, Tom Petty n'était pas censé faire partie du groupe, mais George Harrison avait oublié sa guitare chez lui. Il l'invita à se joindre à eux en allant récupérer celle-ci. Handle With Care est détournée de sa destination originelle, pour lesquelles les producteurs la jugent d'ailleurs trop précieuse pour une phase B, et devient la première pièce d'un album écrit par les cinq complices, principalement Dylan et Harrison, et enregistrée en 10 jours chez Dave Stewart des Eurythmics. Cet album, Traveling Wilburys Volume 1, sorti en octobre 1988. Chacun des partenaires apparaît sous un pseudonyme, tous étant censés être demi-frères de la famille Wilbury. La vidéo correspondante arrive également sur MTV sans la moindre mention de leur identité réelle et avec un superbe visuel habilement ménagé, ce qui crée aussitôt des interrogations. S'agit-il de sosie ? Les voix sont pourtant bien celles des cinq artistes et le doute est vite levé. L'effacement voulu des égos pour servir la musique elle-même crée un engouement inattendu et cette réalisation, pensée au départ comme une simple fête collective, sera acquise par 5 millions de personnes, devenant un hit mythique. L'album est en effet classé dans les top 100 des meilleurs albums de tous les temps. Il y aura un second album en 1990 qui s'appellera le volume 3 parce qu'au moment où ils ont voulu faire le volume 2, et bien Roy Orbison, pas toujours facile de le dire, est décédé et ils ont voulu lui rendre hommage en disant ben on aurait dû enregistrer le 2 avec toi, du coup on enregistre le 3 directement. Voici Handle With Care sur RG, tout ça pour ça. Oui mais c'est bien. Lorsque vous voyagez dans la saga des Fab Four, vous êtes un peu dans un sous-marin qui permettrait de remonter le temps. Ben oui, on passe de 1987 à 1965, sans problème. Il suffit de changer de chanson, passer de la chanson qu'on vient d'entendre, qui date de l'album Cloud Nine, à 1965, l'album Help et You Like Me Too Much. You Like Me Too Much fut composé et enregistré par George pour le film, mais fut finalement relégué sur la deuxième face de l'album. George choisit de ne pas parler de cette chanson dans son autobiographie I'm in Mine, qu'il écrit pourtant presque toutes les chansons de façon exhaustive. Et oui, c'est pour ça qu'on dit presque tout, puisque celle-ci n'y est pas. Et sans doute parce qu'il n'y avait pas grand-chose à en dire. Il s'agit d'une banale histoire d'amour décrivant un garçon qui s'est fait plaquer, mais qui sait que tout va s'arranger parce qu'elle l'aime trop. Si cela avait été une composition de John, celui-ci l'aurait sans doute placé dans la liste des chansons jetables. Peut-être. N'empêche que c'est une chanson des Beatles, c'est une chanson de George, et nous on aime bien sur RG. La voici, You Like Me Too Much, et vous avez raison de m'aimer trop. Though you've gone away this morning, you'll be back again tonight. Telling me there'll be no next time if I just don't treat you right. You'll never leave me and you know it's true. Cause you like me too much and I like you. You've tried before to leave me but you haven't got the nerve. To walk out and make me lonely, which is all that I deserve. You'll never leave me and you know it's true. Cause you like me too much and I like you. I really do. And it's nice when you believe me. I'd admit that I was wrong. I wouldn't let you leave me cause it's true. Cause you like me too much and I like you. And I like you. I really do. And it's nice when you believe me. If you leave me, I will follow you and bring you back where you belong. Cause I couldn't really stand it. I'd admit that I was wrong. I wouldn't let you leave me cause it's true. Cause you like me too much and I like you. Cause you like me too much and I like you. So uptight. C'est une spéciale George Harrison ce soir, puisqu'il est disparu le 29 novembre 2001, et c'est JP... Je vais me tromper. JP Crisp qui nous propose l'intégralité de cette playlist aujourd'hui. Merci à lui. Et je vous propose aussi également une chanson que j'ai fait écouter aux Américains à Rogersville au début des années 80. J'avais amené des disques français. Je suis passé à la radio américaine. Mais j'avais apporté aussi quelques disques anglais, dont celui-ci. Et je me souviens avoir dit en anglais, si vous regardez, parce que c'était un matin, c'était dans l'émission du matin que j'étais passé, si vous regardez par la fenêtre, regardez bien. Here comes the sun. Thank you. La saga des Fab Four, tous les mercredis de 20h à 22h sur rjfm.fr. Et c'est avec... Avec Kiki. Have you seen the little piggies crawling in the dirt? And for all the little piggies, life is getting worse. Always having dirt to play. Seen the bigger piggies in the starched white shirts? You will find the bigger piggies stirring up the dirt. Always have clean shirts to play around in. In the skies with all the packing, they don't care what goes on around. Forks and knives to eat the bacon. One more time. George Harrison avec les Beatles, George Harrison avec les Traveling Wilburys, George Harrison tout seul. Nous faisons la fête à George Harrison ce soir dans la saga des Fab Four. C'est la saga numéro 393 et elle a été entièrement, je n'ai rien mis de ma part dedans, concoctée par JP Crispies. Crisp. Je pensais au, vous savez, le truc du petit déjeuner, mais bon, pas de pub. Hein. C'était à peu près ça. Bien. Comment on retombe sur nos pieds en passant un album de 1970 que j'adore. L'album s'appelle All Things Must Pass et le titre du morceau Art of Dying. Et ça, à nouveau, c'est masterpiece. Yeah.

chanson tirée de l'album Extra Texture Riddle About It de 1975. Le nom de l'album, je vous le dis souvent, George Harrison avait des problèmes pour trouver les titres des chansons et peut-être encore plus pour trouver les noms des albums. Extra Texture Riddle About It, c'est ce que vous pouvez lire sur un paquet de pâtes et marquer attention, la texture est extra. Regardez, lisez bien ce qui sur la notice quoi, lisez bien la notice pour vous faire de bonnes pâtes quelque part. Et bien voilà, la bonne pâte qu'est George Harrison lorsqu'il fait cette belle chanson The Answers at the End, l'une des meilleures de cet album là, Extra Texture. Nous revenons en arrière. À l'époque de Revolver, 1966, c'est les Beatles. I Want to Tell You sur RIG. Ensuite, il y aura concert pour George, deux fois. If I Needed Someone par Eric Clapton. Et ce que j'aimerais entendre de Paul McCartney en concert, All Things Must Pass en hommage à George Harrison. Slip away. semaine prochaine, Paul McCartney qui dit « Pour rendre hommage à George, je vais chanter cette chanson. » All Things Must Pass, encore dans le concert pour George, un moment que j'aurais aimé voir en vrai. Sunrise doesn't last all morning. A cloudburst doesn't last. Up and has left you with no warning. It isn't always gonna be this great. All things must pass. All things must pass away. Sunset doesn't last all evening. A mind can blow the clouds away. After all this, my love is up and must be leaving. It isn't all. The darkness only lasts nighttime. Pensez-y, Paul, tu pourrais chanter cette chanson, tu pourrais. Nous faisons une grande place, un spécial George Harrison ce soir, puisqu'il est parti le 29 novembre 2001. Nous sommes le 21, oh tiens, le 21, il est 21h21. Je ne l'ai pas fait exprès, mais quelquefois ça arrive. Sachez que demain, dans 1h01, il sera 22h22 et nous serons le 22. C'est comme ça, ce sont des choses qui arrivent aussi. Mais je voulais surtout parler pour faire la différence entre ce que nous venons d'entendre et la prochaine chanson, l'influence indienne, hindoue, de George Harrison. Voici The Inner Light sur RIG. Without going out of my door. Jean-Philippe Crisp, vous le connaissez. Vous savez que lorsqu'il programme une émission sur George Harrison, il y a une chanson qui est un monument, qui, lors du concert pour George, il y a 3 ou 4 batteurs, il y a je ne sais pas combien de guitaristes, tout le monde s'y met à fond pour refaire le mur du son de Phil Spector, et c'est un moment merveilleux. Ce sont deux chiens qui parlent, qui disent « Wah, wah !» Non, en fait, c'est la pédale « Wah, wah !» que les guitaristes connaissent bien. Voici l'une des plus belles chansons de George Harrison sur R.I.G. Et là, je vous demande de monter le son, de réveiller les voisins, c'est pas grave. Ici à la radio, on va mettre le son au maximum. RIG 90.7, la radio des Beatles. Yeah. 3, 4, 1, 2. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should 5% appear too small? Be thankful I don't take it all. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. If you drive a car, I'll tax the street. If you try to sit, I'll tax your seat. If you get too cold, I'll tax the heat. If you take a walk, I'll tax your feet. Les Beatles, précurseurs dans à peu près tout. George Harrison avait deviné qu'en 2018, on aurait des problèmes avec les impôts et que les ceci et cela. Et il l'avait chanté en chantant Taxman. C'est vrai que vous dites sur Facebook qu'on devrait le chanter à qui de droit. Bien, on n'est pas là pour ça. Ici, c'est une émission de radio et on parle de John, Paul, Ringo et George. Et aujourd'hui, on rend hommage à George en particulier, puisqu'il est parti le 29 novembre 2001 et qu'on le regrette. On aurait bien aimé entendre encore d'autres albums de lui. Voici son dernier album, justement. Brainwashed sur RIG. Brainwashed by all the rules, brainwashed by our leaders, by our kings and queens, brainwashed in the open and brainwashed behind the scenes. God, God, God. Our voice cries in the wilderness. God, God, God. It was on the longest night. God, God, God. An eternity of darkness. God, God, God. Someone turned out the spiritual light. Brainwashed by the Nikkei, and brainwashed by Dow Jones. Brainwashed by the FTSE, their stack of secure loans. Brainwashed us from Brussels, brainwashing us in Bonn. Brainwashing us in Washington, Westminster in London. God, God, God. You are the wisdom that we seek. God, God, God. The lover that we miss. God, God, God. Your nature is eternity. Knowledge, please. love itself. It does not exist. It is existence itself. It does not know. It is knowledge itself. How to know God? Page 130. They brainwashed my great uncle, brainwashed my cousin Bob. They even got my grandma when she was working for the mob. Brainwash you while you're sleeping, while in your traffic jam. Brainwash you while you're weeping, while still a baby in your pram. Brainwashed by the military, brainwashed under duress. Brainwashed by the media, you're brainwashed by the press. Brainwashed by computer, brainwashed by mobile phones. Brainwashed by the satellite, brainwashed to the bone. Parvati Pataye Hara Hara Mahadev. Nama Parvati Pataye Hara Hara. Nama Parvati Pataye Hara Hara. Shiva Shiva Shankar Mahadeva. Hara Hara Hara Hara Mahadeva. Shiva Shiva Shankar Mahadeva. Shiva Shiva Shankar Mahadeva. Nama Parvati Pataye Hara. Alors, vous pensez bien que c'est Namahati Pataye, je suis pas très fan, surtout que ça dure encore une minute, donc on va changer. Mais bon, j'aime bien le dernier album de George Harrison, il est bien, il est bon, et j'en profite pour vous dire, parce qu'on est entre nous, que dans 20 minutes, il va y avoir Eric et son fantastique Johnny de A à Z, et j'espère que vous serez là. On va rester quand même dans le mysticisme avec une chanson de 1976, et c'est une belle chanson, Dear One sur RIG. My spirit sings to you now. Creation stands at your feet. My feelings call to you now. Même album, Crackerbox Palace sur RG. Stand to deport you. 33 and one third de 1976, c'est sans doute l'un de mes albums préférés de George Harrison. Nous retrouvons l'album Brainwashed pour la dernière fois et Any Road sur RG. Ensuite, il y aura Danny Harrison et deux chansons. Puis Eric et Johnny de A à Z sur RG. Traveling on a boat and a plane, in a car, on a bike, with a bus and a train. Traveling there, traveling here, everywhere, in every gear. But oh Lord, we pay the price with the spin of a wheel, with the roll of the dice. Ah yeah, you pay your fare, and if you don't know where you're going, any road will take you there. Traveling through the dirt and the grime, from the past to the future, through the space and the time. Traveling deep beneath the waves, in watery grottos and mountainous caves. But ah, Lord, we got to fight with the thoughts in the head, with the dark and the light. No use to stop and stare, and if you don't know where you're going, any road will take you there. My teeth by the breadth of her hair. Traveling where the fall winds blow, with the sun on my face, in the ice and the snow. But ooh-wee, it's a game. Sometimes you're cool, sometimes you're lame. Oh yeah, it's somewhere. If you don't know where you're going, any road will take you there. With the spin of the wheel, with the roll of the dice. Ah yeah, you pay your fare, if you don't know where you're going, any road will take you there. I keep traveling around the bend. There is no beginning, there is no end. It wasn't born and never dies. There are no edges, there is no size. Just don't win, it's so far out, the way out is in. Bow to God and call him sir, but if you don't know where you're going, any road will take you there. And if you don't know where you're going, any road will take you there. On vous l'a promis, George, non, Danny Harrison, For You Blue, et ensuite dernière chanson, il est tard, dans la chanson ce sera Got My Mind Set On You. Because you're sweet and lovely girl, I love you. Because you're sweet and lovely girl, it's true. Living now. my mind set on you. I got my mind set on you. Got my mind set on you. But it's gonna take money. Right, child. It's gonna take time, whole lot of precious time. It's gonna take patience and time. Ça a été un peu brutal, mais je voulais finir à l'heure parce que j'ai besoin de faire plaisir à mon ami Eric qui est à côté de moi et qui va vous présenter cette fantastique émission qui s'appelle Johnny de A à Z. À très très bientôt. La semaine prochaine, vous serez au concert. Je vais penser à vous, je vais avoir un moral le plus bas possible. Alors on va essayer de rattraper ça en faisant mon concert de Paul McCartney à moi. Et je vous assure, je vous engage à prendre le podcast quand vous reviendrez du concert, parce que ce concert-là, il faudrait que Paul l'entende pour dire « Ouais, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. » Et qu'il le fasse. Allez, à très bientôt. Je vous laisse entre deux bonnes mains. Ciao. No.